à rien, c'est bon. Ça ne manque pas de sel. Plein de vent dans la bouche, le pied qui bat de l'air, je n'ai rien à faire. Ça prend du temps de compter les mouvements du vent. Je suis un professionnel du pet volant et des mots creux.